franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'affaire Marc Dutroux, une tragédie belge devenue affaire d'État. 20 ans après les faits, on hésite encore à s'y replonger. Trop de souffrance, trop d'horreur. En Belgique pourtant, personne n'a oublié les prénoms de Julie, Mélissa, Anne, Effieux, Sabine et Laetitia. 6 jeunes filles victimes de la folie perverse d'un homme et de ses complices. Entre juin 1995 et août 1996, elles ont toutes été enlevées, séquestrées et violées. 4 d'entre elles sont mortes, emmurées dans une cave de la banlieue de Charleroi, puis enterrées à la hâte, ficelées dans des sacs poubelles. Ce fait divers, aussi épouvantable qu'il soit, aurait pu en rester là. Il sera pourtant à l'origine d'un séisme inédit en Belgique. Un événement qui va rassembler près de 350 000 personnes dans les rues, mobiliser les plus hautes instances du pays et ébranler l'assise d'une démocratie. Car ces 6 jeunes filles deviennent peu à peu les symboles d'une justice à la dérive. Bévues, dérapages, aveuglements et querelles de clochers, durant 14 mois d'enquête, le système policier et judiciaire accumule les erreurs et aboutit à ce terrible constat. Sans ces dysfonctionnements, 4 petites filles sur 6 seraient encore en vie. Raconter l'affaire Dutroux, c'est enfin se plonger dans une histoire tout à la fois intime et collective où se mêlent l'indicible et l'admirable courage des survivantes, l'incompétence des institutions et la colère d'un peuple, sa solidarité aussi. Pour en parler après le récit, nous recevrons Michel Bouffioux en duplex de Bruxelles. Aujourd'hui journaliste pour l'édition belge de Paris Match, il fut l'un des premiers à couvrir l'affaire Marc Dutroux. En 2004, il a coécrit avec Marie-Jeanne Van Esprick « Dutroux et consorts, la face cachée de l'enquête » publiée chez Michel Lafon. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Laure Grand-Besançon. Programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 24 juin 1995, Grasse-Ologne, petite commune de la banlieue liégeoise en Belgique. Mélissa joue dans son jardin avec Julie. Les deux copines, âgées de 8 ans, profitent de leur premier jour de vacances, un après-midi ensoleillé et insouciant. Vers 17h, elles demandent la permission d'aller au petit pont, à quelques mètres seulement de la maison. Là, au-dessus de l'autoroute qui relie Liège à Bruxelles, Mélissa a pour habitude de faire coucou aux voitures. Les fillettes insistent, bon, d'accord, mais pas longtemps. La maman de Julie ne devrait pas tarder. Alors Mélissa prend sa montre, embrasse sa mère et file avec sa copine. 1 heure plus tard, les deux petites ne sont toujours pas rentrées. Inquiète, la mère de Mélissa, Karine Russo, part à leur recherche, bientôt suivie par Gino, son mari et les parents de Julie, Louisa et Jean-Denis Lejeune. Ensemble, ils font le tour du quartier, puis de l'école, sonnent aux portes des amis et de la famille. Rien. Vers 19h, les gendarmes arrivent, accompagnés de chiens pisteurs. Même constat, aucune trace de Julie ni de Mélissa. Les enquêteurs se veulent pourtant rassurants, ce n'est peut-être qu'une simple fugue. Non, impensable pour les parents, ce n'est pas le genre de leur fille. Quelques jours plus tard, toujours sans nouvelles de Julie et Mélissa, les parents s'interrogent sur les moyens mis en place par les enquêteurs. Leurs voisins n'ont pas été entendus et personne n'est entré dans la chambre de leur fille à la recherche d'indices ou pour relever des empreintes. À la brigade de surveillance et de recherche de la gendarmerie de Grasse-Ologne, là où la police judiciaire de Liège est là, on ne dit rien aux parents sur l'avancée de l'enquête ni sur les pistes envisagées. Face à ce silence, les familles s'organisent comme elles peuvent. Dans le salon des parents de Mélissa Russo, elles installent une véritable cellule de crise, allumée jour et nuit, téléphone en surchauffe. Dans les médias, les parents multiplient les appels à l'aide. Comme dans ce reportage sur France 2, daté du 6 juillet 1995, 2 semaines après la disparition de leur fille. Depuis 2 semaines, les parents de Julie et de Mélissa se retrouvent ensemble, dans l'attente d'une information, d'un espoir. Depuis 2 semaines, ils ressassent toutes les hypothèses qui ont pu mener à la disparition de leur fille, tout juste âgée de 8 ans. Seule la thèse de l'enlèvement leur semble aujourd'hui crédible, au point de lancer un appel aux ravisseurs présumés. qu'on nous la rende. Qu'on nous la rende, il n'y a que ça qui compte. Qui pour nous, il n'y a que ça. Le reste, ravisseur, etc., on s'en fiche. On s'en fout, on récupère nos filles. Nous autres, c'est ce qui compte. Le reste, pas d'esprit de vengeance, rien du tout. Pour obtenir des informations dès les premières heures, une association a lancé un avis de recherche. Son fondateur sait combien il est crucial d'aller vite. Lui-même a perdu sa fille dans des conditions similaires. Il s'était alors heurté à l'inertie et au silence des autorités. Quelques jours plus tard, le 31 juillet 1995, soit un mois après la disparition de leur fille, les parents rencontrent pour la première fois la magistrate chargée du dossier, Martine Doutray. Ils espèrent évidemment en savoir plus sur l'enquête. Mais lors de cette rencontre, la substitut du procureur du roi les accueille avec ces mots « sincères condoléances ». Délicat. Car pour la justice, Julie et Mélissa sont mortes, forcément. Alors, au sein du tribunal, petit à petit, le drame tombe dans l'oubli. Mais bientôt, de nouveaux visages apparaissent sur les avis de disparition aux côtés de ceux de Julie et de Mélissa. Le 22 août 1995, deux mois après le premier enlèvement, à l'autre bout du pays, deux autres filles sont portées disparues. Elles s'appellent Anne Marshall et Fiolan Brex. Elles sont âgées de 17 et 19 ans. En vacances sur la côte belge, à Ostende, les deux amies sont aperçues pour la dernière fois vers 1h du matin au terminus du tram. Puis rien. Disparues, elles aussi. La police locale met plus de deux semaines à lancer les recherches, persuadée qu'il s'agit là encore d'une simple fugue. Pour l'instant, personne ne fait encore le lien entre ces disparitions et celles de Julie et de Mélissa, distantes de plus de 200 km, et les deux enquêtes piétinent. Le 28 mai 1996, neuf mois plus tard, à Quin, situé à une centaine de kilomètres d'Ostende, près de la frontière française, une nouvelle petite fille disparaît. La cinquième en moins d'un an. Elle s'appelle Sabine Dardenne. Elle a 12 ans et demi. Ce jour-là, elle prend son vélo pour se rendre à l'école. Elle disparaît en chemin, sans laisser de traces. Le 9 août 1996, deux mois après, et 200 kilomètres plus loin, une sixième petite fille disparaît. Ce soir-là, à Bertrix, au sud du pays, Laetitia Delay, 14 ans, rentre à pied de la piscine. Elle habite à quelques centaines de mètres. Pourtant, elle n'arrivera jamais chez elle. Alors, où sont Julie, Mélissa, Anne, Effieu, Sabine et Laetitia? Après cette sixième disparition, les choses vont aller vite, très vite. Le 10 août, l'enquête est confiée à deux hommes, le juge d'instruction Jean-Marc Conrotte et le procureur du roi de Neuchâteau, Michel Bourlet. Tenaces, déterminés à mettre fin à cette série noire, ils emploient les grands moyens et ratissent la région wallonne, aidés par 400 bénévoles et un hélicoptère. Tout est pris en compte, notamment le témoignage d'un jeune homme. Un jeune homme qui a aperçu une camionnette blanche stationnée à côté de la piscine de Bertrix, avec à son bord un conducteur qui lui a semblé louche. Il relève la plaque d'immatriculation du véhicule. Le soir même, un suspect est identifié. Il s'appelle Marc Dutroux. L'homme, âgé de 40 ans, habite à plus de 100 km d'ici, à Marcinelles, quartier pauvre de Charleroi. Officiellement, il est ferrailleur, mais les enquêteurs découvrent un casier judiciaire chargé. Marc Dutroux est en liberté conditionnelle après une condamnation pour viol de mineur. Alors, le 13 août 1996, quatre jours seulement après la disparition de Laetitia, il est arrêté chez lui en compagnie de sa femme, Michel Martin, et d'un jeune homme, un toxicomane de 25 ans, Michel Lelièvre. Sa maison est fouillée, mais on ne trouve pas Laetitia, ni même le moindre indice, si ce n'est la camionnette blanche garée devant où la présence de la petite fille est détectée par des chiens pisteurs tout de même. Les trois suspects sont longuement interrogés. Le premier à parler, c'est Michel Lelièvre, le complice. Avec Marc Dutroux, ils ont kidnappé Laetitia à la piscine Bertrix, puis ils l'ont ramenée à Charleroi. Le reste, c'est Dutroux qui le raconte. Après avoir drogué et violé Laetitia, il l'a séquestrée dans sa cave, et elle y est toujours. Mais ce n'est pas tout. Là-bas, dans le sous-sol de sa maison, il y a une autre fille avec elle. Elle s'appelle Sabine Dardenne, disparue sur son vélo deux mois et demi plus tôt, à Quin. Les enquêteurs envoient immédiatement des hommes sur place. En direct à la télé, les Belges assistent à la libération des deux petites filles, deux frêles silhouettes en pleurs, à peine sorties des entrailles de Marcinelle. Quelques heures plus tard, elles sont de retour chez elles, entourées de leurs proches et des journalistes. Mais que s'est-il réellement passé dans cette cave? Au lendemain de sa libération, Laetitia est la première à se confier au micro d'Anne Goderenio, journaliste de la Radio Nationale Belge. Les trois premiers jours, j'ai dormi, oui. Oui. Je savais pas ce que je faisais, quoi. J'étais sous l'effet des médicaments, alors je dormais. Ça lui a fait du bien, Sabine, que tu arrives. Vous avez pu un peu parler toutes les deux. Oui, parce qu'elle se sentait plus, elle savait plus ce qu'elle faisait. Elle dit que je vais éclater, je ne sais plus ce que je fais. Je reverrai jamais ma famille et tout ça. Enfin, je lui disais si, moi, mais des fois, j'y pensais pas non plus. En plus, à Sabine, on lui avait menti. On lui avait dit que ses parents ne voulaient pas payer de rançon. On t'a pas menti à toi. Si, on me l'a dit à moi aussi. Il est venu me le dire. Que j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Tes parents ne veulent pas payer, alors tu préfères... Il y a un copain qui vient aujourd'hui, alors tu préfères te faire liquider, quoi qu'il veut dire. Ou te cacher avec elle. J'ai dit de cacher avec elle. Aujourd'hui, comment tu te sens, Laetitia? Oh, je me sens bien, oui. J'ai retrouvé le sourire. Tu es entourée par toute ta famille. Oui. Tu t'attendais à ce que tous les habitants comme ça de ta rue soient là pour t'accueillir? Même pas. Non. J'étais impressionnée par tout ce que j'ai reçu. Hein. L'enquête se poursuit au commissariat de Neufchâteau. En réalité, l'affaire ne fait que commencer. Car le 16 août, au lendemain de la libération de Sabine et de Laetitia, un nouveau suspect est arrêté. Un certain Michel Nioul, 55 ans. Cet homme d'affaires bruxellois, à la réputation sulfureuse, a passé de très nombreux coups de téléphone à Marc Dutroux avant et après l'enlèvement de Laetitia. C'était pour la réparation de sa voiture, dit-il. Les enquêteurs, eux, le soupçonnent d'être à la tête d'un vaste réseau pédophile dont Marc Dutroux ne serait qu'un pion. Le 17 août, toujours interrogé, Marc Dutroux va plus loin. Il avoue l'enlèvement de Julie Lejeune et de Mélissa Russo, disparues il y a plus d'un an, le 24 juin 1995, sur le petit pont de Grasse-Ologne. Elles ont été séquestrées, elles aussi, dans sa cave, pendant près de 5 mois, avant d'y mourir de faim. Il les a ensuite enterrées dans le jardin d'un autre de ses maisons, à Sars-la-Bussière. Et effectivement, les corps sont là, à 3 mètres sous terre. Pour les parents, cette terrible découverte sonne le glas de leurs espoirs, la fin d'une recherche qui aura duré 14 mois. Aux côtés des cadavres de leur fille se trouve un autre corps, un adulte, celui de Bernard Weinstein, un ancien complice assassiné lui aussi par Marc Dutroux. Trois jours plus tard, le 20 août 1996, Marc Dutroux et Michel Lelièvre avouent encore un enlèvement. Celui d'Anne et Fieux, disparu le 15 août 1995 à Ostende, près du tramway. La danse macabre des pelleteuses reprend. Les corps des deux adolescentes sont retrouvés 15 jours plus tard à Jumé, près de Charleroi, dans une autre maison de Dutroux. La Belgique est en état de choc, tétanisée face à l'innommable. Jour après jour, sous l'objectif des caméras de télé, des ossements d'enfants sont exhumés, un à un. L'émotion est immense, palpable. Entre amis, en famille ou au café du commerce, on ne parle que de l'affaire Dutroux. Et déjà se dessinent les premières polémiques. En tant que violeur récidiviste en liberté conditionnelle, Marc Dutroux a-t-il été soupçonné, interrogé au cours de l'enquête? Aurait-on pu sauver Julie, Mélissa, Anne et Fieux? Le 22 août 1996, l'heure est au recueillement dans toute la Belgique. Aujourd'hui, à Saint-Martin-de-Liège, on enterre Julie et Mélissa. Plus de 10 000 personnes massées sur le parvis de la basilique sont venues leur rendre un dernier hommage. Des bus régionaux ont été spécialement affrétés pour l'occasion. La cérémonie, très émouvante, est retransmise en direct à la télé. Pas de cris, juste des mains anonymes qui applaudissent. Dernier salut à Julie et Mélissa. Le cortège s'était arrêté un peu plus tôt dans la matinée devant les domiciles respectifs des deux enfants. Les parents eux-mêmes avaient prononcé le mot « martyr » pour désigner les enfants il y a déjà plusieurs mois. Martyr, non de deux familles, mais de tout un pays. C'est le sens de cette cérémonie. Les mamans qui me disaient « nos deux petites filles maintenant, elles ne nous appartiennent plus seulement à nous. Elles sont le symbole sur les affiches de tous les enfants qu'il faut mettre en garde. Est-ce que le bon Dieu est sourd? Non. Ce n'est pas blasphème que de crier ainsi. Le blasphème résiderait plutôt dans l'hypocrisie ou dans de pieuses déclarations qui voudraient étouffer les pourquoi que notre cœur révolté nous pousse à poser. Le chagrin et la colère étreignent désormais tout un peuple. Depuis l'arrestation de Marc Dutroux, les révélations sur l'affaire se multiplient dans la presse à un rythme effréné et elles sont accablantes pour le système judiciaire et policier belge. C'est surtout la gendarmerie de Grasse-Hollande chargée d'enquête sur Julie et Mélissa en juin 1995 qui est en ligne de mire. Personne n'a oublié que deux semaines après la disparition des fillettes, les gendarmes n'ont cessé de répéter que l'enquête piétinait. Officiellement, oui. Mais en réalité, à ce moment-là, ils sont déjà sur la trace d'un certain Marc Dutroux. Le 7 juillet 1995, ils reçoivent un fax de leurs collègues de Charleroi qui ont dans leur fichier le profil d'un kidnappeur de petites filles, déjà condamné pour viol, et qui s'appelle justement Marc Dutroux. Un indique leur a même affirmé que cet individu serait en train d'aménager ses caves pour y séquestrer des enfants. La piste est sérieuse. Pourtant, les gendarmes de Grasse-Hollande n'en informent ni la police judiciaire de Liège, elle aussi chargée d'enquête, ni la juge d'instruction Martine Doutray. Pourquoi ? Oh, tout simplement, et c'est la pire des raisons, parce qu'ils ont décidé de faire cavalier seul. Oui, à cette époque, le gouvernement se lance dans un important projet de refonte des polices. Alors la gendarmerie a besoin d'un gros coup si elle veut peser dans les négociations. Donc, sans le dire à personne, au sujet de la piste du trou, elle lance une opération secrète, l'opération Othello. Ainsi, pendant plusieurs jours, les gendarmes planquent à Marcinelle devant la maison du suspect dans l'espoir d'apercevoir les fillettes. En vain. Puis en décembre 1995, 5 mois après la disparition de Julie et Mélissa, ils profitent de l'arrestation de Dutroux pour une histoire de camion volé. Dans la cave, le gendarme René Michaud entend des chuchotements d'enfants derrière un mur. Que faire ? Prendre le risque de prévenir le juge d'instruction ou continuer à faire cavalier seul et éventuellement découvrir un réseau pédophile, le poisson serait encore plus gros. Michaud et ses collègues ne disent rien. Les murmures devaient venir de la rue. Voilà, fin de l'histoire. À ce moment-là, pourtant, au sous-sol de la maison de Marc Dutroux, Julie et Mélissa sont là, emmurées vivantes. Aurait-on pu les sauver ? La réponse est oui, évidemment, et toute la Belgique désormais le sait. Le 18 août 1996, l'avocat des familles de Julie et Mélissa, Maître Issel, exprime sa colère lors d'une conférence de presse. Car l'information capitale, c'est que notre petite Julie et notre petite Mélissa étaient toujours vivantes en mars 96. C'est ce que nous clamions depuis leur enlèvement 9 mois auparavant à nos enquêteurs qui n'y croyaient pas. C'est la pédophilie qui a tué nos filles. Mais également l'incroyable magnanimité que lui manifestent ceux qui ont pour mission de protéger nos enfants. La Belgique se sent trahie, oui, trahie par ses gendarmes et par l'ensemble de son système judiciaire. Et devant un comportement aussi erratique, on s'interroge. Marc Dutroux a-t-il été protégé ? Existe-t-il derrière lui un réseau d'hommes puissants et corrompus ? Dans ce climat général de suspicion, le tragique fait divers devient affaire d'État et le royaume est prêt à exploser. Le coup de grâce est donné le 14 octobre 1996. Jean-Marc Conrot, le petit juge à la grande réputation, celui qui a arrêté Dutroux et ses complices, est dessaisi du dossier. Les familles des victimes ont l'impression de perdre leur principal allié. La population belge y voit la confirmation que c'est tout un système qui est coupable. Le 20 octobre, envahis par les larmes et la colère, 350 000 personnes descendent dans les rues de Bruxelles. 325 000 personnes et presque autant de ballons et de fleurs, c'est une marée blanche qui a envahi le centre de Bruxelles en silence. Dans le cortège, pas de slogan, seulement des vagues d'applaudissements spontanés. Ils ont marché les uns contre les autres, jeunes et vieux, voilons et flamands, pour le plus gros rassemblement de l'après-guerre en Belgique. pense que le fait que tous les Belges soient ici, autant les Flamands que les Wallons, c'est quelque chose de très important. C'est triste qu'il faille quelque chose aussi horrible pour pouvoir rassembler, mais enfin, ça prouve quand même qu'il y a un esprit belge. Les familles avaient souhaité une simple marche et pas de manifestation. Pourtant, derrière le silence et la dignité, les Belges demandaient des comptes qui allaient bien au-delà du simple dessaisissement du juge Konrot. Moi, je trouve que s'arrêter au dessaisissement du juge Konrot, ça n'a pas beaucoup de sens. Finalement, ça, c'est une affaire qui regarde plus la justice et qui n'entrave pas l'enquête. Ce qu'on voudrait plutôt, c'est que la pédophilie soit quelque chose qui soit traité, quoi. Aujourd'hui, les Belges ont exprimé leur contradiction, avec à la fois la volonté de refonder une société plus humaine, mais aussi une opposition très forte aux institutions, quelles qu'elles soient. Au lendemain de cette déferlante blanche, le gouvernement aux abois crée en catastrophe une commission parlementaire chargée de faire toute la lumière sur l'enquête et ses errements. Face à 8 députés, policiers, gendarmes et magistrats vont devoir s'expliquer au sein d'un dispositif inédit. Pour les familles des victimes d'abord, ignorées pendant 14 mois, elles sont désormais au centre des débats. Pour la population également, puisque toutes les auditions sont retransmises en direct à la télé. Le feuilleton judiciaire bat tous les soirs des records d'audience, jusqu'à un pic de 700 000 téléspectateurs à 1h du matin, lors de la confrontation entre la juge d'instruction et l'adjudant de la gendarmerie de Grasse-Ologne. Après 2 mois de débat, la commission parlementaire aboutit finalement à un rapport de 150 pages, mais qui ne contient pas grand-chose, hormis la nécessité de restructurer l'appareil policier. Cette quête de vérité n'a pourtant pas été vaine, non. Elle a créé les conditions d'une nécessaire catharsis nationale, presque un exorcisme en direct. Mais il faudra pour le moment s'en contenter, jusqu'à l'heure du procès, 8 ans plus tard. Monsters, I was an angel. Presque 8 ans après le déclenchement d'une affaire qui avait suscité une émotion quasiment planétaire, Marc Dutroux comparaît à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises d'Arlon, en Belgique. L'image que la Belgique attendait depuis 8 ans. Un énorme procès dans une minuscule salle. Derrière le box à la vitre blindée, les quatre personnes qui incarnent l'horreur du dossier. Un seul fourgon pour trois accusés qui se retrouvent côte à côte. Marc Dutroux, Michel Martin, son ex-épouse et Michel Lelièvre sont transférés vers la cour d'assises. Marc Dutroux encourt la prison à vie pour, entre autres crimes, le rapt et le viol de six fillettes et adolescentes, dont quatre ont été retrouvées mortes. Pour juger Marc Dutroux et ses complices, 90 personnes ont été convoquées. Pour l'instant, pas de manifestation comme les services de sécurité ont pu le craindre. Arlon vit pratiquement normalement, si ce n'est qu'il a, pour ainsi dire, fait jour toute la nuit à Arlon à cause des projecteurs des équipes de télé et ceux de la police qui ont éclairé le palais de justice et les abords de la cour d'assises pour des raisons de sécurité. Lundi 1er mars 2004. Il y a foule ce matin devant la cour d'assises d'Arlon, petite ville du sud-est de la Belgique. 1300 journalistes venus du monde entier, 300 policiers, une vingtaine d'avocats, 12 jurés des familles en deuil et 4 accusés. Aujourd'hui, en Belgique, s'ouvre le procès du siècle, celui de Marc Dutroux et de ses complices présumés. Michel Martin, sa compagne, le jeune Michel Lelièvre et l'homme d'affaires Michel Nioul. 8 ans que toute la Belgique attendait ce moment. 8 ans depuis la découverte des corps de Julie, Mélissa, Anne et Fieux et celle miraculeuse des deux survivantes, Sabine et Laetitia. Durant toutes ces années, enquêteurs et policiers vont constituer un dossier lourd de 450 000 feuillets et tenter de répondre à la question que tous se posent. Marc Dutroux a-t-il agi en solitaire ou bien fait-il partie d'un vaste réseau pédophile ? Deux thèses qui s'opposent et qui ne cessent de diviser l'opinion, les avocats et les journalistes belges. Certains parlent même d'une guerre de religion entre les croyants et les non-croyants du complot. Pour l'avocat de Marc Dutroux, maître Xavier Magnier, son client n'a pas pu agir seul. Je crois que la marche blanche de 350 000 personnes n'a pas défilé contre un pervers qui agit tout seul. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est contre un système et je ne veux pas croire que la Belgique soit le seul pays au monde où les pédophiles travaillent tous tout seuls. Dans la salle d'audience, derrière une épaisse vitre blindée, ils ne sont pour l'heure que quatre sur le banc des accusés. Marc Dutroux, 47 ans, costume sombre, gilet clair. Il est l'homme le plus haï de Belgique, surnommé le monstre de Charleroi. C'est là, à Charleroi, qu'il grandit dans ce pays noir, ravagé par la crise industrielle. Après une enfance chaotique, il quitte le foyer familial à 17 ans pour s'installer en ville. Et de petit truand, il devient bientôt pervers psychopathe, selon la formulation retenue. Il est arrêté en 1986 pour séquestration et viol de 5 mineurs. Condamné à 13 ans de prison, il obtient une liberté conditionnelle au bout de 6 ans. Et il se promet de ne plus refaire la même erreur, ne pas laisser ses victimes vivantes. 3 ans après sa sortie, en juin 1995, il enlève, séquestre et viole Julie et Mélissa, ainsi Anne et Fieux, Sabine et Laetitia. À ses côtés, sa femme, Michel Martin, baptisée la servante du diable. Elle rencontre Dutroux en 1983. Ils font 3 enfants. Elle aussi est condamnée en 1986 pour viol de mineur. Elle se décrit à présent comme une femme sous influence, manipulée, battue par son mari. Pourtant, elle a eu un rôle décisif dans la mort de Julie et Mélissa. En décembre 1985, Marc Dutroux est arrêté pour un vol de camion. 5 mois plus tôt, il a enlevé Julie et Mélissa, âgées de 8 ans. Emprisonné pendant 4 mois, Marc Dutroux charge alors sa femme de nourrir les deux petites séquestrées dans la cave. Michel Martin refuse. Et lorsque Dutroux sort de prison, le 20 mars 1996, Julie et Mélissa sont morts de faim. À leur côté, Michel Lelièvre, un toxicomane à la dérive, complice des enlèvements d'enfants. Et enfin, Michel Nioul, raccroché in extremis aux branches de l'accusation pour association de malfaiteurs. C'est sur cet homme d'affaires bruxellois que reposent les espoirs des croyants au réseau pédophile. Après avoir entendu les principaux accusés évoquer le sort tragique des disparus, c'est au tour des deux rescapés de prendre la parole. Un moment fort dans le procès, bien sûr. Le 19 avril 2004, Sabine Dardenne témoigne pendant 1 heure à la barre. Elle raconte ses 81 jours passés dans la cave de Marcinelle, à la merci du trou. Elle avait 12 ans et demi. Aujourd'hui, elle a 20 ans. C'est une belle jeune femme. Chapeau, mademoiselle, vous avez été brillante. C'est de cette façon inhabituelle et pour tout dire déplacée que le président congédie Sabine qui, pendant une heure, a raconté la brutalité de son enlèvement, l'ignoble de sa séquestration. Mais la jeune fille n'en a pas fini. Elle sait que Dutroux a tué, affreusement assassiné, ses autres victimes. Alors pourquoi, elle, il ne l'a pas liquidée, lui demande-t-elle. C'est une question que je me posais. Dans un sens, je savais la réponse. Il se plaignait quand même tout le temps de moi, donc... Je me suis demandé pourquoi il m'avait gardé aussi longtemps et je voulais savoir. Et de toute façon, il a encore menti encore une fois. Et voilà maintenant que c'est Michel Martin, l'ex-femme de Dutroux, qui prend la parole. Elle demande pardon à Sabine, qui n'y voit que comédie. Son pardon, j'en ai rien à faire. Elle peut s'excuser encore pendant des années. Je savais qui j'étais, à partir de quel moment, ce qu'il faisait. Et elle a rien fait. Et elle est mère de famille. Et ça, elle savait aussi pour les autres, les petites, les grandes. Elle a jamais rien dit. J'avais que ça à lui dire, quoi. Sabine a donc interpellé Dutroux, temps fort, catharsis. Est-elle pour autant libérée d'un poids? Libérée d'un poids, je dirais pas ça, parce que je vais quand même vivre avec encore des années. Mais au moins, j'ai été entendue, on m'a écoutée. Et maintenant, ben, la vie, elle va reprendre comme avant. Je vais retourner au travail. Ce sera fait, quoi. Deux jours avant cette ultime confrontation entre bourreau et victime, la cour d'assises d'Arlon a écouté à basse voix la lecture des lettres écrites par Sabine à ses parents lorsqu'elle était enfermée. Car à la torture physique s'est ajoutée la torture psychologique. Au moment de son enlèvement, Dutroux lui raconte qu'il lui a sauvé la vie, qu'un méchant chef en veut à son père et qu'il va se venger sur elle si elle ne paie pas. Elle a 12 ans et demi et elle croit le monsieur qui la viole, comme elle le croit quand il l'amène à la cave. Une super cachette, lui avait-il dit. Ici, sur ses cahiers d'écolier qu'elle a gardés avec elle, elle écrit des lettres à ses parents, les supplie de payer la rançon. Jamais envoyées, elles sont retrouvées, ces lettres, dans les papiers de Marc Dutroux. Peut-être que vous vous êtes fait une raison que vous n'allez plus me revoir. Mais moi, y avez-vous pensé à moi? À ce que je pourrais penser en plus? Je sais que je n'ai pas toujours été gentille avec vous, que j'ai été égoïste et méchante. Mais après tout, savez-vous me dire pourquoi je suis ici? Après tout, moi je n'ai rien fait à ce chef, et je vois pas pourquoi je paierai pour ça. Je suis désolée de vous parler ainsi, après tout ce que vous avez fait pour moi, mais il faut absolument que vous me sortiez d'ici. Je suis vraiment triste et malheureuse, et vous me manquez énormément, c'est vrai, vous savez. De un, je veux revenir à la maison, parce que je voudrais vous revoir. De deux, je voudrais revenir à la maison parce qu'ici, ce n'est pas ma place. Ma place est parmi vous, avec la famille et les amis. Et aussi, parce que je n'en peux plus de rester dans ce taudis. Et de trois, il me fait trop mal. Jour après jour, le prétoire plonge un peu plus dans l'horreur, s'aventurant dans les méandres du système des trous. Le 27 avril 2004, la cour d'assises se déplace à 180 km de là, dans l'antre du pédophile. Au 128 rue de Philippeville, c'est une modeste maison de briques rouges, mitoyenne et délabrée, typique de Marcinelle. En face, le train passe jour et nuit, un train dont le bruit résonne jusque dans les caves. Ici, Marc Dutroux a creusé un trou pour y enfermer des enfants. Dissimulée derrière une étagère métallique, une lourde porte coulissante en béton ouvre l'entrée du cachot. 1,60 m de haut, 2,34 m de long, 1 m de large. Michel Martin l'a peint en jaune, une couleur gaie, avait-elle dit. Marc Dutroux y a également installé une console vidéo et un seau hygiénique. Julie et Mélissa y auraient passé plus de 100 jours avant d'y mourir. 81 jours pour Sabine et 6 pour Laetitia. Sabine raconte qu'elle y est enfermée lorsque Dutroux s'absente. Le reste du temps, elle est en haut dans la maison, enchaînée au lit du couple, pour y être violée. Cette cave que Dutroux a voulu totalement indétectable, tout le monde la voit à présent. Après Sabine et Laetitia, c'est au tour des jurés d'y descendre par petits groupes de quatre. Revivre le calvaire, replonger dans le passé. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut sur cette cache. Tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas prendre la dimension de l'horreur, dit Maître Rivière, l'avocat de Sabine Dardenne. Le lendemain de cette visite éprouvante, il témoigne au micro de France Inter. Mademoiselle Dardenne, confrontée au lieu, elle a même été submergée par l'émotion, ça c'est certain. Mais enfin, avec le, le caractère qui est le sien, elle s'est très rapidement reprise, puisque son premier vœu en sortant de la cache, alors qu'on pensait qu'elle aurait souhaité s'isoler ou respirer un peu, ça a été lorsqu'elle a appris que Marc Dutroux allait lui succéder immédiatement pour la visite de la cache, ça a été d'attendre qu'on le sorte du véhicule dans lequel il était enfermé pour pouvoir croiser son regard. Marc Dutroux a bien évidemment détourné le regard. Et cette cache, alors c'est comment ? Ce qui a frappé Mademoiselle Dardenne elle-même, qui est quand même la seule personne vivante au monde à y avoir passé 80 jours, c'est l'incroyable exiguïté de l'endroit. Comment a-t-on pu mettre deux êtres humains, a fortiori deux enfants, dans cet endroit où personne, à moins d'être cruel, ne mangerait à mettre un animal ? Pour la cour, ce voyage au bout de l'enfer durera encore un mois et demi. Et finalement, le 17 juin 2004, après 4 jours de délibération, le président de la cour d'assises d'Arlon, Stéphane Gou, annonce le verdict. Marc Dutroux est jugé coupable de l'enlèvement, de la séquestration et du viol de 6 fillettes et du meurtre de 2 d'entre elles, réclusion à perpétuité. Son ex-femme, Michel Martin, présente aux côtés de Dutroux tout au long de cette affaire, est condamné à 30 ans de prison. Michel Lelièvre, son complice toxicomane, prend 25 ans pour enlèvement et séquestration d'enfants. Quant à Michel Nioul, l'homme d'affaires soupçonné d'être à la tête d'un réseau pédophile, il écope de 5 ans pour association de malfaiteurs et trafic de drogue. Avec cette dernière peine, la cour invalide donc la thèse du réseau. Pas de notable pédophile, pas de dessous de table, pas de complot. Seulement un homme et quelques complices, tous coupables d'avoir violé, séquestré et assassiné des enfants. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Marc Dutroux. Notre invité est en duplex de Bruxelles. C'est le journaliste Marc Bouffiou. Bonjour. Bonjour, Michel Bouffioux. Michel Bouffioux, pardon. Vous travaillez aujourd'hui à l'édition belge de Paris Match. En 2004, vous avez coécrit avec Marie-Jeanne Van Esvic Dutroux et consorts, La face cachée de l'enquête, publiée chez Michel Lafon. Alors, rien qu'à raconter cette histoire, loin dans le temps et aussi dans l'espace, ici dans ce studio de France Inter, un sentiment nous étreint de l'ordre de l'émotion face à l'innommable. Vous qui avez couvert cette affaire pendant 8 ans, vous avez vu les lieux, les protagonistes. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Mais écoutez, je suis plein d'émotions également en entendant les archives, en entendant votre récit. Et c'est, je crois que s'il y a des auditeurs belges, je suis persuadé qu'il y en a d'ailleurs, oui. C'est la même chose pour eux parce que cette affaire a imprégné véritablement la mémoire collective en Belgique. Elle reste très présente dans l'esprit de la population, je pense. C'est une blessure pour les Belges ? C'est une blessure, c'est aussi une incompréhension, c'est une affaire qui a laissé un certain nombre de points d'interrogation dans l'opinion, même s'il y a une vérité judiciaire, et je crois que en démocratie, il faut l'accepter, il y a un jury populaire qui s'est exprimé, il y a eu un procès, donc il n'est pas question ici de contredire une décision de justice, mais cette décision de justice laisse aussi des points d'interrogation, elle laisse les gens sur leur faim, et ce qui ne veut pas dire que comme on le caricature des fois, que la majorité de la population ou que des journalistes très nombreux croient à l'existence d'un grand réseau pédophile en Belgique, mais simplement il y a eu tellement de dysfonctionnements dans ces enquêtes, je dirais avant l'arrestation Dutroux et même peut-être après, mais ça c'est l'objet d'un débat entre des journalistes qui s'affrontent notamment sur cette question. Et puis alors il y a aussi, et c'est ça la vérité fondamentale qui ne passe pas de cette affaire Dutroux, ce constat que vous avez bien rappelé dans votre récit, c'est que si la justice, si la gendarmerie avait fait son travail correctement dans cette affaire, Julie, Mélissa, Anne et Eve, aujourd'hui, seraient encore en vie. Ils avaient toutes les cartes en main pour sauver ces victimes de Dutroux. Et pour ce qui concerne Julie et Mélissa, très très peu de temps après leur enlèvement. Alors, vous avez rencontré à plusieurs reprises les parents des disparus, notamment Karine et Gino Russo, qui sont les parents de Mélissa et Louisa, et Jean-Denis Lejeune, qui sont les parents de Julie. Au début, que vous disaient-ils ? Est-ce qu'ils avaient confiance, comme ça peut être le réflexe pour n'importe quel citoyen d'un pays démocratique, en leur justice, en leur police et en leur gendarmerie ? Ou est-ce que dès le début, ils se sont dit ça colle pas, ça n'avance pas ? C'était quoi l'état d'esprit ? L'état d'esprit, dès le début, a été une méfiance à l'égard des enquêteurs et une méfiance qui était justifiée, on l'a bien compris par après. Mais donc leur premier sentiment, en fait, et comment je les ai rencontrés la première fois, très peu de temps après l'enlèvement, ce qu'ils transmettaient de manière très forte comme idée, c'est tant qu'on n'a pas de nouvelles précises de Julie et Mélissa, tant qu'on nous démontre pas qu'elles ont été tuées, pour nous elles sont vivantes. Donc à partir du moment où elles sont vivantes, il y a un sentiment d'urgence. Il faut les chercher vite, il faut mettre tous les moyens en œuvre, il faut pas perdre une seconde, pas perdre un jour, pas perdre une heure. Mmh. Et ils avaient le sentiment d'être face à des enquêteurs qui n'étaient pas dans ce sentiment d'urgence, qui sans doute considéraient que ces enfants avaient été tués, qu'on les retrouverait un jour quelque part dans un fossé, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ils n'avaient pas ce sentiment d'urgence. Et leur en plus... ce qui est terrible dans cette tragédie, c'est que ils ont vécu une sorte de guerre des polices en direct avec des gendarmes qui venaient les trouver pour critiquer la police judiciaire qui travaillait également sur le dossier puisqu'il y avait une équipe constituée de gendarmes et de membres de la police judiciaire. Et ces gendarmes disaient, oui, mais vous savez, la police judiciaire, le chef d'enquête n'avance pas très fort, il est pas très motivé, etc. Et en même temps, ces gendarmes avaient, eux, tout en critiquant la juge d'instruction, en critiquant leurs collègues de la police judiciaire, ils avaient, eux, en main les cartes pour arrêter Dutroux depuis longtemps. Et puis, ils ont mené cette catastrophe. Oui. Enquête parallèle, cette opération de surveillance. Mais une catastrophe, effectivement. À quel moment comment, selon vous, ce fait divers est devenu une affaire d'État ? Quand on comprend toute l'ampleur du scandale, quand on comprend que pendant 14 mois, les parents qui criaient, qui appelaient à l'aide, qui disaient on ne fait pas tout ce qu'il faut pour retrouver nos enfants, eh bien, ils avaient parfaitement raison et qu'on aurait pu les sauver. Je voudrais quand même vous dire quelque chose de très frappant sur l'opération de gendarmerie là qui a été menée. Donc ils savent que Dutroux est le suspect principal et ils vont observer sa maison. Il faut bien comprendre que pendant un moment de cette observation, au mois d'août 1995, ils sont devant la maison en train de la surveiller alors qu'il y a 4 victimes à l'intérieur. Oui, on l'a dit, c'est terrible. C'est invraisemblable. Ouais. Il suffit d'avoir un mandat de perquisition, de rentrer dans les maisons, de libérer les filles. Mais ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils veulent faire l'enquête en dehors du contrôle de la juge d'instruction pour réaliser un flagrant délit. Et donc c'est quand même terrible. Et donc c'est ça l'affaire d'État. C'est ça qui explique aussi toutes les polémiques par la suite, parce que une telle attitude est parue incompréhensible. À cela se sont ajoutés des constats de dysfonctionnement tout à fait incroyables. Vous l'avez rappelé dans votre récit, ce gendarme qui perquisitionne dans la maison de Dutroux, encore une fois en marge de cette enquête parallèle, et qui passe à côté de la cache, qui entend des voix d'enfants, qui crient « taisez-vous ». Et puis les voix se taisent, et puis qui sortent de cette maison, et Julie et Mélissa y restent. Mais on est au-delà de la faute professionnelle, hein. C'est vraiment, oui, on est dans le scandale total, quoi. Oui, et alors, mais dans toute cette affaire, après, plus tard, quand il y aura l'arrestation de Dutroux, mais vous savez que Dutroux, c'est aussi, on l'a pas rappelé dans le récit, mais à un moment, Dutroux s'est évadé également. Oui, justement, juste. Voilà. Mais cette affaire, c'est pour vous dire, ce constat-là, moi, je me suis dit souvent, ça, si j'étais romancier, que j'écrivais un livre sur une affaire policière, je n'oserais pas écrire un scénario pareil, personne ne trouverait ça crédible. Mais pourtant, cette affaire, elle a eu lieu, en Belgique. Alors, elle a eu lieu en Belgique. Est-ce que, avant cette affaire-là, vous, les Belges, vous avez détecté plutôt des dysfonctionnements dans la police ou dans la justice, ou est-ce que ça vous a étonné à la lumière de cette affaire ? Non, parce que il y a déjà en Belgique, il y avait déjà ce sentiment qu'un certain nombre de dossiers importants n'avançaient pas. Par exemple, il y a une affaire qui s'appelle les tueries du Brabant, avec de nombreuses victimes. Oui, les tueries du Brabant, on se souvient, oui. Voilà, qui ont été. Ben, cette affaire, elle est toujours en cours d'instruction maintenant. Donc, on a l'impression que dans les gros dossiers, on ne trouve jamais vraiment la clé de l'énigme. Donc, il y avait déjà ce sentiment-là. Mais enfin, cette affaire-ci a créé un émoi tout à fait particulier avec cette marche blanche, vous l'avez rappelé, mais avec aussi un climat qui était un climat d'une grande, empreint d'une grande dignité à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se passerait tout à fait de la même manière. Mais c'est-à-dire que bon. On constate quand même que il y a une évolution tout de même dans l'opinion. Je pense que c'est en Belgique comme en France, il y a quand même des idées d'extrême droite qui percolent un peu plus ou qui sont un peu plus banalisées dans la population. Donc donc peut-être qu'aujourd'hui il y aurait plus vite des appels à la peine de mort ou des choses comme cela. À l'époque, c'était très digne. Les parents ont dit. Pas de revendication politique, juste une manifestation pour marquer l'indignation par rapport à cette justice qui fait pas son travail. Alors, en août 2012, parce que le sort s'est un peu acharné, puisque ensuite Dutroux s'est évadé, bon, il a été repris assez vite, enfin, mais j'imagine que quand on a pris son évasion, ça a dû être terrible en Belgique. Et puis en août 2012, Michèle Martin, donc l'ex-femme de Marc Dutroux, condamnée à 30 ans d'emprisonnement, bénéficie d'une liberté conditionnelle et elle sort de prison. Alors, on va écouter ensemble la réaction de Jean-Denis Lejeune, le père de Julie, disparue en juin 1995 et retrouvée morte dans le jardin de Marc Dutroux. Je suis choqué et bouleversé parce que, bon, elle a encore 15 ans à faire, puisqu'elle a été jugée pour une période de 30 ans en cour d'assises. Pas choqué qu'elle soit libérée en soi, parce que ça fait partie de la législation belge. Chacun a le droit de demander une libération conditionnelle au tiers de sa peine. mais choqué parce que quand on est multirécidiviste comme l'est Michel Martin, quand on sait qu'elle a laissé mourir de faim, de soif et qu'elle a privé de liberté 4 enfants qui en sont morts, plus 2 qui heureusement ont su en ressortir vivantes, quand on a un tel passé, je regrette, mais ce genre de personnage n'a pas sa place dans la société et pour moi devra encore méditer un peu à l'ombre. Alors c'est toujours la question posée par une démocratie. Hein. Il y a une justice souveraine, il y a des libertés conditionnelles, ça fait partie des droits aussi, hein, tout bien à sûr. Fait. Et puis à côté il y a la morale. Ça c'est le vieux débat entre justice et morale. Mais comment les Belges ont réagi après cette libération à la fois conditionnelle et légale, mais aussi peut-être moralement prématurée? Mais écoutez, je crois que l'indignation de Jean-Denis Lejeune et des parents de Julie et Mélissa aussi, des Russo, était assez partagée, et de même que le discours, parce que bon, le discours sur l'état de droit, le fait que quelqu'un qui est condamné et qui a exécuté sa peine puisse être libéré à un certain moment, je crois que personne ne le conteste. Mais ce qui choque, c'est l'attitude de Michel Martin, en effet, le point de vue moral, éthique, c'est-à-dire que ce qui ne passe pas, c'est que Michel Martin, elle sort de prison avec une condamnation qui finalement était relativement faible au départ, mais c'est un autre problème, mais surtout elle sort de prison avec un secret. Et c'est ça qui ne passe pas. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, elle était chargée de nourrir Julie et Mélissa pendant leur détention dans la cache. Et donc là, il y a une période de 106 jours qui est vraiment le nœud du dossier, de la deuxième partie du dossier. Dans votre évocation tout à l'heure, il y a l'avocat d'une des victimes qui dit que cette cache était extrêmement exiguë. Et les parents de Julie et Mélissa ne croient pas qu'il soit possible que leurs enfants aient pu survivre pendant 106 jours dans cette cache sans intervention de tiers. Et ça, c'est donc un des grands mystères de ce dossier. Et cette clé-là, la personne qui à ce moment-là doit s'occuper de Julie et Mélissa pendant ces 6 jours, parce que Marc Dutroux est en prison pour une autre affaire, eh bien, c'est Michel Martin. Et donc, il y a quelque chose qu'elle détient là, et dont elle n'a jamais participé à l'élaboration, à la manifestation de la vérité sur cette période-là. Michel Bouffiou, on en arrive à la fin quasiment de notre entretien. Oui, je voudrais aborder la piste, finalement, qui n'a jamais été éclaircie, du réseau pédophile. Oui. Vous-même, quelle est votre conviction sur cette question-là? Je n'ai pas la conviction qu'il y a des grandes personnalités qui soient impliquées dans cette affaire, mais j'ai la conviction que cette enquête n'a pas été menée de manière adéquate pour fermer toutes les portes qui peuvent ouvrir sur rien, mais qui peuvent peut-être ouvrir sur d'autres types de complicité. Je pense peut-être à une personne qui n'est pas connue du côté de Charleroi ou ailleurs en Belgique. Mais donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises, par exemple, dans un dossier bis à un certain moment, comme des analyses de cheveux, etc., des pistes qu'on appelait périphériques, dont on allait s'occuper encore après le procès du trou. Et puis, tout ça, finalement, a été jeté à la poubelle. Et donc, j'avais parlé, après le classement du dossier bis, avec le procureur Bourlet, qui est le procureur qui s'est occupé de l'affaire au début, qui à l'époque était pensionné, et qui dit, et c'est aussi mon sentiment, rester dans cette affaire avec un goût de trop peu, avec une recherche de la vérité qui n'a pas été suffisante. Merci infiniment Michel Bouffiou. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec Marie-Jeanne Van Esvic, ça s'appelle « Dutroux et consorts, la face cachée de l'enquête », publié chez Michel Lafond. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Dutroux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction avec le premier volet d'une série politique sur l'affaire calédonienne. Nous évoquerons demain la tuerie d'Ouvéa et le vendredi 23 décembre, nous nous pencherons sur les accords de Matignon.